Leçon 9A. La correspondante de Julie. Dimanche, 13h27, Gare du Nord. Martina Wagner, la correspondante de Julie, arrive de Berlin. Elle va passer ses vacances de Pâques chez les Lacroix. Elle va aller au collège avec sa copine. Julie n'est pas encore en vacances. Elle va faire la connaissance des copains de sa copine et visiter Paris, bien sûr. 5h. Les deux amis sont dans la chambre de Julie. Elles discutent, écoutent des CD, disent des bêtises et rigolent beaucoup. Puis... Oh, 6h-20. Mince, mes devoirs pour demain. On a un contrôle de géographie. J'aime bien la géo, mais les contrôles... Burk. Qu'est-ce que ça veut dire, Burk? On dit ça quand on déteste quelque chose. En géo, on a un prof intéressant, mais il est, disons, un peu bizarre. Il répète sans arrêt. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Dis donc, c'est un perroquet. Oui, mais c'est un bon prof. On aime bien Monsieur Charvet. Après le repas, Martina pose beaucoup de questions à son amie française sur le collège François Villon. Les élèves de la 4e F, la classe de Julie, ont 28 heures de cours par semaine. Le samedi et le mercredi après-midi, ils n'ont pas classe. Le lundi matin, de 8h15 à 9h15, ils ont géo et ensuite maths. Et à 10h10, c'est la récréation. La récré, comme ils disent. De 10h20 à 12h15, ils ont français. Après, ils vont au self, la grande cantine de Villon. Pour Julie et ses copains, c'est l'heure sympathique de la journée. On est avec les amis, sans prof, sans parents. Et puis... la cuisine n'est pas mauvaise. Le lundi après-midi, la 4e F a allemand de 2 à 3 et, après 10 minutes de récréation, sport jusqu'à 5 heures. À 5 heures, c'est la fin des cours. L'école de Julie est grande. Elle n'est pas très jolie, mais il y a une bonne ambiance. Puis, Julie parle de sa passion, le club d'écriture du collège François Villon. Au club, elle écrit des petites histoires sur Paris, les jolies scènes du bord de la Seine. Et ses copains Julien et François écrivent un roman policier. Son titre ? Les flics sont sympathiques.